Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous dresse un nouveau portrait de femme naturaliste encore trop méconnue. Je vous présente le parcours extraordinaire de l'artiste allemande Maria Sibylla Merian, également botaniste, entomologiste et exploratrice, fascinée par la métamorphose des chenilles en papillons. J'aurai ensuite la chance de poursuivre l'interview débutée dans l'émission précédente avec Brian Aiello, taxidermiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Après nous avoir précédemment présenté son parcours, Brian revient avec nous sur les différents aspects de ce métier multifacette. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Maria Sibylla Merian naît à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, en 1647, dans une famille où les arts jouent un rôle crucial. Son père, Matthäus Merian, l'Ancien, hérite d'une maison d'édition et il pratique la gravure sur cuivre avec talent. Il est reconnu pour le Topographia Germania, une œuvre gargantuesque dont il illustre 9 volumes et qui représente plus de 2000 vues de villes et de bourgs. Malheureusement, il décède quand Maria Sibylla n'a que 3 ans. Sa mère, Johanna Sibylla Heim, se remarie l'année suivante avec le peintre Jacob Marel, spécialisé dans les natures mortes et les bouquets. Son beau-père l'encourage à dessiner et à peindre, et elle apprend également de ses autres apprentis. À 13 ans, elle sait utiliser l'aquarelle et préparer de quoi faire des gravures sur cuivre. Elle dessine déjà des insectes et sa fascination pour ces petites bêtes ne fait que croître. Elle raconte... Je me suis dans ma jeunesse employée à la recherche des insectes. J'ai d'abord commencé avec les vers à soie dans ma ville natale de Francfort-sur-le-Main. J'ai ensuite établi qu'à partir des autres chenilles se développaient beaucoup de beaux papillons de nuit ou papillons de jour, comme à partir des vers à soie. Cela m'entraîna à recueillir toutes les chenilles que je pouvais trouver pour observer leur transformation. En plus de dessiner les insectes, la jeune femme les élève et les observe. Elle documente avec précision les différentes étapes du cycle de vie des papillons. Œufs, chenilles, chrysalides et imago, l'insecte sous sa forme adulte et définitive. Elle décrit même l'émergence d'insectes surprises, des mouches qui apparaissent à la sortie de la chrysalide, ce qui pourrait être l'une des premières descriptions scientifiques de parasitisme. Ces mouches pondent dans la chenille, leurs larves se nourrissent de l'animal et émergent à sa place à la fin du processus de métamorphose. Il y a de quoi se poser quelques questions. N'oublions pas qu'à cette époque, la fin du XVIIe siècle, les naturalistes défendaient encore largement l'idée héritée d'Aristote, encore lui, que les insectes naissaient par génération spontanée de la matière en décomposition et qu'ils apparaissaient comme ça, de nulle part. Maria Sibylla, elle, et contrairement aux habitudes de l'époque qui consistent à étudier les spécimens morts, aime contempler les animaux vivants et leurs habitudes. À 18 ans, elle épouse l'un des apprentis de son beau-père, Johann Andreas Graf, qui réalise peintures et estampes. Le couple, après la naissance de leur fille aînée, Johanna Elena, déménage à Nuremberg en 1670 pour ouvrir leur propre studio. Et leur deuxième fille, Dorothea, naît en 1678. Maria Sibylla réalise des livres de modèles pour la peinture et la broderie et enseigne le dessin aux jeunes filles de bonne famille. Elle continue ses élevages d'insectes et porte une attention toute particulière à leur environnement. Sur quelles plantes se nourrissent-ils et où pondent-ils? Elle plante ainsi les premières graines de l'écologie moderne qui consiste à étudier les êtres vivants en interaction avec leur milieu. Une idée et une pratique révolutionnaire pour l'époque. Elle publie 3 volumes du livre intitulé « Le nouveau livre des fleurs » en 1675, 1677 et 1680. Même si elle excelle dans les représentations florales, elle ajoute bien souvent des sauterelles, papillons ou autres insectes pour rendre ses images plus vivantes. En 1679, elle publie le premier tome d'un livre entièrement consacré à ses chers insectes, intitulé « La chenille, merveilleuse transformation et étrange nourriture florale ». L'ouvrage comporte plus de 50 gravures pleines pages qui décrivent le cycle de vie de ces insectes associés à leurs plantes hôtes. En hommage à ses passions de jeunesse, la page de titre du livre illustre le cycle de vie du ver à soie qu'elle aimait tant observer plus jeune. Mais les choses se compliquent un peu dans sa vie. Son beau-père décède et les proches de ce dernier attaquent Maria Sibylla et sa mère en justice pour des questions de succession. Son propre mariage avec Johann Andreas Graf se délite. Quand elle finit par gagner le procès en 1681, Maria Sibylla prend une décision radicale. Elle emmène ses filles et sa mère avec elle et quitte son mari. Direction le château de Valta, dans la région de la Frise, aux Pays-Bas. Là, les 4 femmes rejoignent Caspar, le demi-frère de Maria Sibylla, qui est membre d'une communauté religieuse protestante retirée du monde, les Labadistes. Tant qu'elle promeut la création divine par l'intermédiaire de ses peintures d'insectes, Maria Sibylla est autorisée à poursuivre, à publier ses travaux. Johann Andreas Graf, le mari, les retrouve et tente de se réconcilier, mais sans succès. Notre héroïne est officiellement divorcée en 1692, un sacré tour de force. Après le décès de sa mère, en 1691, Maria Sibylla quitte les Labadistes et s'installe à Amsterdam avec ses deux filles. Toutes trois ouvrent leur propre studio de peinture, une opportunité uniquement réalisable grâce aux lois relativement progressistes de la ville à l'époque. À Amsterdam, elle rencontre des naturalistes amateurs de cabinets de curiosité, des professeurs, des nobles, qui lui laissent consulter leur précieuse collection d'insectes. Elle découvre les insectes du Suriname, qui est à l'époque une colonie hollandaise, et s'interroge sur leur mode de vie, alors tout à fait inconnu. Elle écrit « Dans ces collections-là, j'avais trouvé celui-ci ainsi que d'innombrables autres insectes. Mais enfin, si là-bas leur origine et leur reproduction sont inconnues, cela amène à se demander comment elles vont se transformer à partir des chenilles en chrysalides et ainsi de suite. Tout cela m'a en même temps amené à entreprendre un grand voyage longtemps rêvé et à partir au Suriname. » Sa décision est prise. Elle ira au plus profond de la jungle étudier les insectes directement sur place. Elle met ses affaires en ordre, écrit son testament, au cas où elle ne reviendrait pas, mieux vaut être prévoyante, ouvre des souscriptions pour vendre à l'avance l'ouvrage qu'elle compte faire à son retour, une pointe d'optimisme ne fait pas de mal, et obtient des financements suffisants pour que l'expédition voie le jour. En 1699, alors qu'elle est âgée de 52 ans, Maria Sibylla Merian embarque pour l'Amérique du Sud en compagnie de Dorothea, sa plus jeune fille de 20 ans. Après 2 mois d'un voyage éprouvant, elles arrivent à Paramaribo, la capitale, et sont hébergées par les colons néerlandais qui exploitent la canne à sucre. La naturaliste est très peu considérée par ses hôtes, qui estiment sa mission frivole, et elle peine à trouver des guides pour l'accompagner en forêt pour collecter des spécimens. Elle s'agace de leur méconnaissance de la faune et de la flore locale, et de leur obsession délétère pour la culture unique de la canne à sucre. Cependant, elle sympathise avec les esclaves indiens et africains qui l'aident dans ses recherches et partagent avec elle leur connaissance de la flore locale. Maria Sibylla rapporte notamment que les femmes esclaves amérindiennes consomment des graines de certaines plantes pour avorter et éviter une vie d'emprisonnement à leurs enfants à naître. Des révélations à milieu de ses croyances et qui l'ébranlent. Maria Sibylla et sa fille restent 2 ans au Suriname avant que le paludisme ne l'affaiblisse et les pousse à rentrer en Europe, accompagnée d'une jeune femme d'origine amérindienne. Sitôt rentrée, elle se met au travail et publie en 1705, 3 ans après son retour, ce qui reste son œuvre majeure, Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Un livre superbe, agrémenté de nombreuses planches couleurs où l'on peut lire les noms latins et néerlandais de chaque espèce. En plus des insectes, le livre met aussi en image d'autres animaux du Suriname, mammifères, amphibiens et reptiles, dont certaines planches ont été attribuées après coup au pinceau de sa fille Dorothea. Dans son ouvrage, Maria Sibylla illustre les mœurs de la mygale, mangeuse d'oiseaux, ou celles des fourmis capables de former des ponts au-dessus de l'eau à l'aide de leur corps. Ces descriptions paraissent tellement fantaisistes à ses lecteurs européens qu'elle sera parfois moquée et tournée en dérision. Heureusement, les scientifiques actuels ont bel et bien confirmé ces observations. La réalité dépasse bien souvent la fiction. Grâce à la vente du livre, l'artiste rembourse ses dettes, mais ne devient pas riche pour autant. Elle continue donc à vendre ses peintures, mais aussi des préparations et des spécimens ramenés de son voyage pour s'assurer un revenu. Sa fille aînée, Johanna Elena, entreprend le voyage jusqu'au Suriname à son tour et envoie des spécimens à sa mère jusqu'à la fin de sa vie. En 1715, Maria Sibylla fait une attaque cérébrale qui la laisse partiellement paralysée, et elle s'éteint 2 ans plus tard, à l'âge de 70 ans. Ses deux filles, toutes deux artistes peintres, poursuivent son œuvre et font publier plusieurs de ses planches à titre posthume. De son vivant, Maria Sibylla Merian était reconnue et ses talents artistiques appréciés. Carl von Linné, le naturaliste suédois à l'origine de la nomenclature binomiale en 2 noms, genre et espèce pour désigner les êtres vivants, cite son travail, ainsi qu'Erasmus Darwin, le père de Charles Darwin, qui en fait mention dans son livre « The Botanical Garden ». Le tsar Pierre le Grand, grand amateur de son travail, achète une importante collection d'ouvrages et de planches. Cependant, après sa mort, tout ne se passe pas au mieux. Certains insectes imaginaires apparaissent sur les planches des ouvrages de Merian. Plusieurs planches sont recolorisées pour être plus jolies, mais s'éloignent de la rigueur naturaliste des premières illustrations. Le souci du détail méticuleux de Maria Sibylla Merian s'érode au fil du temps et des réinterprétations. Et, cerise sur le gâteau, certains naturalistes de sexe masculin voient d'un très mauvais œil qu'une femme sans éducation universitaire soit si prolifique. C'est notamment le cas de Landon Gilding, un naturaliste britannique qui a fourni de nombreux efforts pour discréditer son travail. Peu à peu, les observations de Merian perdent de leur superbe, on les trouve fantaisistes et son travail tombe dans l'oubli. Heureusement, sa réputation a été restaurée de manière plus récente. De nombreuses espèces d'insectes et de plantes ont été baptisées en son honneur, et avant le passage à l'euro, c'était bien son visage qui ornait les billets de 500 Deutschmark allemands. Artiste accomplie, mère courage, première femme européenne à avoir foulé le sol de l'Amérique du Sud non accompagnée, Maria Sibylla Merian était d'une sensibilité rare et sa détermination force aujourd'hui encore l'admiration. Ses observations précises et ses peintures minutieuses ont changé le cours de l'histoire des sciences et modifié le regard porté par ses contemporains sur les insectes alors mal aimés. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour changer le monde. Regardez ce que peut faire le battement d'ailes d'un seul papillon. Dans l'émission précédente, mon invité Brian Aiello, taxidermiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, revenait sur son parcours, sa formation et son rapport aux arts et aux sciences. Il nous parlait également de l'origine des animaux qu'il naturalise. L'échange se poursuit dans cette deuxième partie. Alors, on l'évoquait un peu dans la première partie de cette émission, la taxidermie, c'est un métier qui est devenu rare et sur lequel il y a encore pas mal d'idées reçues. L'une des plus courantes, c'est le terme d'animal empaillé, qu'on utilisait beaucoup par le passé, mais je voulais voir un peu avec vous. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme ? Est-ce qu'il y a vraiment de la paille dans les spécimens naturalisés ou pas du tout ? Alors, il pouvait, dans certains cas, effectivement, y avoir des pratiques qui allaient un peu dans ce sens-là, qui n'ont rien à voir avec la constitution de collection. Hein. C'était plutôt, il y avait plutôt d'un côté la profession dans les musées qui a évolué dans le sens de constituer des collections, sans donner à connaître au plus grand nombre les évolutions et les pratiques qui étaient réalisées pour réaliser un spécimen naturalisé. Autrement dit, c'était très fermé. On essayait d'éviter, on cachait un petit peu. On avait bien entendu des traités, on avait un certain nombre d'éléments. Mais la profession privée avait peu accès. Je dirais, pour la masse populaire, la naturalisation et la réalisation de trophées, c'est pas du tout quelque chose de commun. Il y a eu un certain nombre de pratiques qui allaient dans le sens d'écorcher un spécimen, de récupérer la peau et de faire une mise en volume succincte, un remplissage en quelque sorte. Il y a ce phénomène-là. Puis après, par contre, il y a un renvoi aux techniques de bourrage. Alors en fait, c'est pas de la paille, mais de la frisure de bois. C'est un matériau qu'on peut continuer éventuellement à trouver parfois, bon, même si ça a été depuis assez longtemps supplanté par d'autres matériaux depuis. Mais on trouve encore des gens qui travaillent aussi avec ces matériaux-là. Donc c'est les frisures de bois de peupliers qu'on peut trouver, notamment pour le conditionnement des bouteilles de vin. Vous voyez, ces copeaux de bois allongés. Donc on pouvait humidifier, compacter et ficeler pour donner les formes générales du corps d'un animal. Et donc ça pouvait être ficelé pour faire un élément compact pour faire des mannequins, mais ce qui était beaucoup utilisé, c'était des techniques dites de bourrage, où effectivement vous considérez la peau comme un contenant, donc vous placiez des armatures pour faire le maintien global, et ensuite on poussait de la matière. Ça restait quand même assez vague, et on avait tendance aussi à avoir des peaux qui se distendaient, oui. Notamment chez les oiseaux, donc on pouvait retrouver des choses qui faisaient un peu édredon, c'est-à-dire qui prenaient des dimensions qui n'étaient pas tout à fait la norme, ce qui était parfois très bien pour certains trophées. Hein, pour les rendre plus impressionnants. Exactement, ça pouvait être un peu plus impressionnant, mais donc parfois, non, c'est effectivement sur le plan naturaliste, le propos était moins juste que sur la réalisation de mannequins. Ça vient beaucoup de là, hein, si c'est une terminologie qu'on va retrouver surtout en français. Il n'y a pas d'équivalent, non, en anglais. En anglais, en tous les cas, il n'y a pas l'équivalent, vraiment. Donc ça parle davantage à cette histoire-là. Oui. Je voulais savoir quelles sont les différentes grandes étapes qui sont nécessaires pour transformer une dépouille en un spécimen naturalisé exposé au muséum. Comment ça se passe ? On vous amène une dépouille, un animal mort, bon, qui est mort soit de vieillesse ou de manière accidentelle. Alors j'imagine qu'il y en a qui sont en plus ou moins bon état. Mm-hmm. Mais voilà, l'animal, il est avec sa peau, ses plumes, si c'est un oiseau, ses poils, les viscères, les os. Vous, comment est-ce que vous procédez ? En fait, la première étape, ça consiste à retirer la peau, celle-ci, un peu quelle que soit la nature du spécimen, qu'il s'agisse d'un oiseau, d'un mammifère, d'un poisson, d'un reptile. L'intention reste à peu près toujours la même. On extrait la peau pour l'essentiel que la peau. Sur des petits spécimens, certains éléments osseux peuvent être conservés éventuellement, donc crâne, extrémité des membres. Mais globalement, c'est la peau, exclusivement la peau qui est récupérée. Donc on va procéder à des incisions. Donc en fonction, ces incisions vont se faire en fonction des caractéristiques du spécimen. Donc plutôt incision ventrale, par exemple sur des petits reptiles, parce qu'on va les mettre, à moins de les mettre à l'envers, mais le plus souvent ils sont mis dans ce sens-là, le ventre contre le sol. Donc plutôt sur des zones où les incisions ne seront pas visibles, oui. En particulier sur une partie, enfin sur des spécimens qui sont à peau nue. Pour les poissons, c'est pareil, on va plutôt créer une incision sur des zones plutôt moins visibles dans le cadre de l'exposition, de la présentation du spécimen, souvent sur des parties ventrales aussi, c'est assez le cas. Après, les zones d'incision peuvent varier en fonction de justement du type de spécimen. Les mammifères de petite taille sont souvent incisés depuis la zone occipitale, l'arrière de la tête, jusqu'à la moitié du corps, parfois plus, parfois moins, donc ça dépend. Et la longueur d'incision suffit à extraire la totalité. La peau. Donc c'est vraiment écorché, c'est vraiment dans le sens écorché. On ne retire vraiment que la peau, un peu comme, voilà, c'est pour ceux qui seraient de la campagne ou qui auraient vu des lapins comme ça qu'on tirait on enlève la peau facilement. Voilà, donc l'idée c'est un peu ça. Enfin, en tous les cas, ça sera ça, et quel que soit le type de spécimen. C'est des choses qu'on va retrouver dans les traités de taxidermie, même du 19e siècle, même avant. On a à peu près, les étapes n'ont pas beaucoup changé. En tous les cas, ces étapes-là sont bien les mêmes. C'est certainement un peu plus abouti pour aller extraire un maximum de corps graisseux, de corps gras, tout ce qui va nous poser des problèmes de conservation à long terme. C'est là où c'est une étape extrêmement importante, parce que s'il y a de la chair, elle peut s'abîmer, du gras exactement. Ouais. Et donc cette étape-là, elle nous garantit déjà une part de conservation à plus long terme de la peau. Donc c'est vraiment très important. Par contre, tant qu'on est sur cette première étape, la peau reste imputrescible. Donc ça veut dire qu'il va falloir la modifier intervenir chimiquement pour la modifier. La modifier, ça consiste d'abord à comprendre que la peau est constituée pour l'essentiel de collagène. Donc on intervient sur un certain type de protéines. Et ces interventions vont consister à l'ajout par de formes de liaisons fortes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée, en tous les cas, c'est d'apporter un nouvel élément, une nouvelle molécule à celle-ci, de la connecter de manière définitive et d'avoir, en ce sens, un nouveau tissu qui a d'autres caractéristiques que la peau. Et c'est ce qu'on va appeler le cuir. Donc, ce qu'on va retrouver dans l'industrie du tannage, quand on voit des chaussures, la maroquinerie, etc. Cuir est beaucoup plus résistant que la peau, qui est souple. On a des caractéristiques, c'est très travaillé. Alors, bien sûr, on n'a plus la partie, on est d'accord, on n'a plus la partie poil. C'est pas ce qu'on recherche à conserver. C'est plus le derme, donc sans le poil. Mais, les intentions restent similaires. Donc, il faut comprendre là qu'on va avoir une modification, donc qui va se faire à des pH souvent plutôt acides, autour de 2,5 de pH, 3,5, ça dépend des agents tannants. Et donc, on va utiliser des agents tannants de différents types de nature, donc minéral, chrome, des agents synthétiques. Voilà, on va avoir une panoplie de possibilités. On va aussi pouvoir les associer éventuellement pour avoir différentes caractéristiques. Et c'est ça, c'est cette étape-là qui va la rendre imputrescible et qui va permettre de la conserver à très long terme. Une fois qu'on est passé finalement d'une peau extraite de cet écorché, donc là on a la dépouille de l'animal, on extrait la peau, donc on a un écorché d'un côté, la peau de l'autre, donc on a l'ensemble de ces traitements, donc on sale les peaux, on les dégraisse aussi, il y a des bains dégraissants, je passe un peu les détails parce que c'est quand même des étapes assez longues, et qu'on a donc tanné la peau, on a réalisé ce cuir, on va s'affairer à la réalisation du mannequin. Cette étape qui consiste à partir de l'écorché, donc si c'est un écorché de petite taille, on le consulte directement, on le conserve dans les congélateurs, on le met en chambre froide et on vient le chercher pour le consulter. Là, ça reste plus facile et plus agréable de pouvoir mesurer chaque directement élément sur directement ouais. sur l'écorché. Donc ça, c'est ce qui se fait beaucoup, parce que finalement, on fait beaucoup de choses de taille petite, modeste, moyenne, donc entre les oiseaux et les petits mammifères. Donc ça correspond quand même à une grande partie de ce que l'on peut réaliser. Donc ça va permettre de, on va dire, en 2 jours, 3 jours de temps, ça dépend, de réaliser cette sculpture plus ou moins aboutie en fonction de la nature des spécimens, et qui va reprendre les caractéristiques de l'écorché en mouvement. Ben voilà. On va avoir des approches et un travail d'anatomie et de considération de l'anatomie en mouvement qui va être plus ou moins, je dirais, ardu en fonction du type d'espèce et de la nature d'espèce sur lesquelles on va travailler. Ben, par exemple, si on restitue un chat à la course avec un appui sur un antérieur, par exemple, effectivement, en termes d'équilibre et de compréhension de l'anatomie en mouvement, c'est bien plus complexe et on va avoir besoin d'un certain nombre de référents anatomiques pour construire ça. Parce qu'il y a vraiment une construction quand même. Et puis, c'est très précis, j'imagine. Au niveau des mesures, il faut que la peau que vous avez récupérée corresponde exactement au mannequin que vous construisez. Donc j'imagine que c'est un travail très précis. C'est ça. On travaille beaucoup avec des compas d'épaisseur. On vérifie systématiquement un certain nombre de mesures. Après, il faut considérer pour une partie des corps mous, il faut quand même considérer que la lecture qu'on en a reste celle d'un écorché dont les corps sont mous, l'abdomen notamment. Donc il y a un certain nombre de volumes qu'il faut appréhender différemment. C'est un petit peu difficile d'en avoir une lecture juste, mais il y a des grandes mesures qui restent quand même bien les mêmes, et notamment celles qui sont à considérer par la partie du squelette que constitue l'animal, qui sont des grandes mesures de référence. Après, c'est vrai qu'en fonction de la position, en fonction de l'attitude, il faut trouver d'autres références. Donc ça peut être de la photographie, de la vidéo qui vont accompagner, et on va éplucher tout ça. Alors ce temps de travail préalable à la sculpture, il est parfois relativement rapide. Si par exemple on fait un petit oiseau, une chouette ulotte, quelque chose de cet ordre-là, le mannequin, lui, bon, il reste relativement rigide, mais l'ensemble des armatures des membres sont mobiles. C'est des armatures qui sont de taille modeste, donc on a de la mobilité, on a une mise en situation qui se fait dans un second temps. Sur des petits mammifères aussi, on va avoir une part de mobilité au niveau des membres. Donc ça veut dire que on a quand même beaucoup plus de souplesse pour la mise en situation, l'attitude qu'on va réaliser, et on va pouvoir davantage s'appuyer sur de la photographie. Et puis la marge, je dirais pas d'erreur, mais en tous les cas, de dimension vis-à-vis d'une plume qui est extrêmement gonflante, qui occupe un volume très très important. C'est pas du tout la même chose que de faire un petit félin à poil ras, par exemple, ou une antilope africaine au pelage très ras, où vous avez chaque détail jusqu'à des veines qui sont extrêmement apparentes, et vous avez un niveau de détail qui est beaucoup plus exigeant en termes de restitution. Ça veut pas dire qu'il faut se permettre de faire des choses. Non, ça veut dire que structurellement, par exemple, quand on travaille sur une chouette ulotte ou sur un autre type d'oiseau, il faut être extrêmement vigilant sur les grandes dimensions du squelette. Par contre, on a plus d'amplitude, surtout sur des oiseaux souvent qui sont passés en centre de soins, qui parfois ont été percutés mais ne sont pas morts immédiatement, par exemple, qui ont des blessures et qui ont succombé au bout d'une semaine, donc qui ont perdu beaucoup de poids. Donc c'est des oiseaux qui ont été en souffrance parfois. Et donc là, ils sont plus très charnus et on peut plus se référencer trop à ce que l'on voit. Et pour autant, même un oiseau très amaigri de ce type-là, le volume de la plume est tellement important qu'on n'arrive même pas à se rendre compte de la maigreur dans un premier temps. Il faut souffler. Moi, j'ai eu l'occasion, étudiant, de passer par des centres de soins de la faune sauvage. On est obligé de souffler effectivement sur le poitrail pour essayer de voir où est le gras et si l'animal est en bonne forme ou pas. Effectivement, la plume masque pas mal. Donc ça, forcément, ça change un petit peu la donne de ce point de vue-là. Mais ça veut dire que si vous récupérez des spécimens, comme vous le disiez, qui ont été amaigris, qui sont en moins bonne forme, est-ce que vous avez ce travail de leur redonner une allure un peu plus pimpante, ou est-ce que vous le gardez dans l'état où vous l'avez reçu ? C'est difficile. On ne peut pas répondre. Attendre tous les cas, c'est pas telle ou telle décision. On n'est pas là pour changer ou dénaturer ce qu'est le spécimen sur lequel on travaille. On n'est pas non plus, contrairement à ce que moi j'ai pu aussi connaître dans le cadre du privé, on n'est pas non plus à la recherche du pelage magnifique, du gonflant avec un pelage hivernal. Non, pas du tout, c'est pas l'idée. Le propos doit être naturaliste, on n'est pas là pour intervenir de ce point de vue-là. Par contre, si on a des dégradations, je dirais comme on a pu connaître avec l'ours cannelle par exemple, ou avec d'autres sujets, c'est-à-dire des spécimens qui ont traîné en quelque sorte, qui ont connu des autopsies ou qui ont des choses qui ont été abîmées ou qui sont manquantes, mais qui ne sont pas du tout du fait de l'état originel de l'animal. Là oui, là par contre, il y a besoin de réparation. On apporte réparation, mais l'idée n'est pas, par exemple, si on rentre un félin qui est âgé et qui aurait marqué en quelque sorte un peu le plumage ou le pelage d'un animal, va marquer quand ils sont en difficulté et qui sont en fin de vie. Dans ce cas-là, on ne va pas chercher à modifier quoi que ce soit. Ça fait partie un peu des valeurs intrinsèques de l'objet que de dire, il s'agit d'un vieux félin de 20 ans. Voilà, ouais. Et on ne va pas, si on voit les dents de cet animal, si l'attitude fait qu'on voit une partie de la mâchoire, on ne va pas aller installer ou... des canines tout belles. ou réaliser un moulage d'une mâchoire d'un animal qui aurait 3 ou 5 ans parce qu'elles sont en meilleur état et plus jolies à regarder, en quelque sorte, alors qu'il n'est pas exclu qu'il n'y ait plus une dent qui tienne en l'air sur... on a parfois travestir la vérité. Voilà, mais on a parfois des animaux qui avancent extrêmement en âge. Je pense à certains ours bruns, notamment détenus en captivité. Ce sont des âges qu'on ne retrouve pas dans le milieu naturel parce qu'ils sont plus capables de s'alimenter normalement depuis longtemps. Donc, on en tient compte si on fait, et ça fera partie aussi du message que l'objet va. Que je dis l'objet volontairement, mais on en parlera après de la détermination ou la nomination de ce genre de préparation. Oui, tout à fait. Et du coup, juste un petit détail, les mannequins dont vous parlez, c'est vous qui les fabriquez sur mesure pour avec l'animal, ou est-ce qu'il existe aussi des mannequins tout prêts ? Alors, il existe effectivement des mannequins dans la taxidermie privée, a développé quantité de mannequins. Bon, différentes espèces, notamment, ça s'est énormément développé aux États-Unis depuis maintenant de nombreuses décennies, à partir de moulage. Donc, c'est-à-dire que vous avez une industrie de la taxidermie aux États-Unis qui s'est exportée après en Europe aussi, ou qui s'est développée en partie en Europe aussi, et qui consiste à faire appel à de grands sculpteurs animaliers, enfin des gens vraiment qui sont extrêmement habiles et dont c'est le métier unique de produire des écorchés d'animaux en mouvement. Donc, on a des choses qui sont vraiment, c'est vrai, certes très très bien réalisées souvent, et donc ils sont copiés x fois. Donc ils vendent leurs droits sur les parties de sculpture, ils sont copiés par le biais du moulage, et donc c'est à partir de résine de polyuréthane expansée dans des moules que l'on va dupliquer x fois et proposer à la vente ce genre de mannequin. Alors, il faut savoir que les polyuréthanes sont des résines qui sont quand même assez peu stables chimiquement, donc ça veut dire qu'on a aussi assez peu de recul, à peu près un demi-siècle, et on sait que tout ce qui est constitué de polyuréthane, donc, que ce soit en spécimen naturalisé, mais dans d'autres domaines, on a d'autres musées dans d'autres domaines qui ont des objets de collection qui comportent qui sont uniquement réalisés avec des polyuréthanes. Ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à conserver à certains termes. Et puis c'est devenu aussi dans la législation un type de résine qui est de plus en plus interdite. Enfin, on prend les pays scandinaves qui ont souvent, c'est eux qui n'initient le pas de ce point de vue-là. Donc les polyuréthanes, on les retrouve notamment sur les mousses de matelas. On les retrouve un peu partout dans notre quotidien, les véhicules, etc. Donc ce sont des matériaux qui sont pas très chers, qu'on va retrouver avec des caractéristiques mécaniques extrêmement intéressantes, mais qui sont relativement instables. Et donc aussi problématique pour les utilisateurs et ceux qui mettent en œuvre et qui respirent aussi ces émanations gazeuses, qui sont potentiellement dangereuses. Donc pour toutes ces raisons-là, et en particulier pour des raisons de conservation à très long terme, moi j'ai orienté très vite, du fait aussi de ma formation, des 2 années de formation sur des aspects de conservation, restauration des collections, où je suis beaucoup plus sensibilisé à l'utilisation des matériaux. J'ai proposé maintenant, ça fait quelques années, ça fait depuis 2008-2009, donc de travailler avec des polyéthylènes, donc ce sont des plastiques, on les retrouve un peu partout sous forme de sachets, de boîtes, de conditionnement, vous pouvez pas les exclure de votre quotidien, ils sont partout, présents partout, jusque dans les prothèses, donc c'est avec une grande diversité de caractéristiques mécaniques. Donc moi je les ai d'abord utilisés sous la forme de mousse pour la réalisation des mannequins, donc mousse extrudée en usine, donc qui nécessite des conditions particulières, donc vous les achetez sous forme de plaques et elles existent en différentes densités. À partir de ces mousses, donc j'ai combiné un peu comme l'a développé aussi le privé, j'ai combiné différentes caractéristiques mécaniques pour obtenir par exemple un cou relativement souple, mais un corps relativement rigide, et le tout est thermocollable, thermoformable. Donc ça va permettre d'associer dans un ensemble complexe des matériaux qui ont des caractéristiques mécaniques différentes. Et ça devient extrêmement intéressant. Alors par contre, il faut vraiment un temps pour s'acclimater, pour s'habituer. C'est une remise totale à plat de manière de travailler, de type de matériaux à mettre en œuvre et de et de caractéristiques mécaniques. Donc il a fallu vraiment, passer vraiment beaucoup de temps à voir comment on pouvait les travailler de manière à ce qu'ils restituent fidèlement l'anatomie. C'est pas très usinable en fait. Hein. Il faut beaucoup les couper. C'est davantage dans une coupe franche. On peut travailler pas mal avec des meuleuses, avec des disques abrasifs. C'est pareil, il a fallu en tester un certain nombre. Pour voir quels outils étaient les plus efficaces. Exactement. Avec ces matières. Donc tout était un petit peu à faire. Donc j'ai fait une présentation il y a maintenant 3 ans au Muséum de Genève, auprès de confrères de Suisse, parce qu'ils sont très actifs, les établissements suisses et allemands sont en Europe en tout cas très très actifs au niveau de la préparation. Pour développer de nouvelles techniques. Exactement, et puis assez demandeurs aussi, et puis donc cette année, au mois de septembre, pendant le concours européen, donc on m'a demandé de pouvoir faire une présentation, d'assurer un séminaire, donc à la fois pratique et technique, donc de pouvoir permettre à un certain nombre de gens d'autres établissements de la profession de pouvoir venir et de mettre en œuvre, de voir un petit peu comment se mettaient en œuvre ces plastiques. Donc on est un petit peu au début de quelque chose, d'autant que l'idée aussi c'est de faire entrer la production numérique et la 3D, de le faire entrer dans la danse, puisque après autour de la découpe au numérique, on est sur d'autres technologies, mais les matériaux peuvent rester à peu près les mêmes, ou en tous les cas évoluent vers du polyéthylène aussi. Donc on sait que dans les années à venir, on va combiner un petit peu tous ces aspects-là, c'est-à-dire à la fois production manuelle et production sous format 3D, avec un usinage certainement par découpe au numérique. Et l'idée, c'est que ces plastiques-là, ils se conservent beaucoup mieux et il n'y a pas ce problème de toxicité pour ceux qui les manipulent, ou en tout cas moins que ceux qui sont utilisés à l'heure actuelle. Il n'y en a pas du tout. Enfin, il n'y en a pas du tout dès lors qu'on respecte des températures de chauffe, parce qu'il ne faut pas non plus monter trop en température, il faut faire attention à ça. On a volontairement fait des anisaires en faisant carrément presque brûler les plastiques, en montant bien au-delà des températures. Oui, pour tester le maximum. Pour avoir une bonne idée. Donc on ne trouve pas de formaldéhyde, enfin, c'est des éléments qu'on va retrouver beaucoup sur d'autres matériaux, notamment les PU. Donc il y avait un certain nombre de dégazages qu'on a recherchés dans ces analyses d'air, qu'on n'a pas retrouvé, donc c'est quand même rassurant de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on ne les monte pas à de telles températures. Donc normalement, si on reste vraiment sur ce qu'on appelle la température de transition vitreuse, c'est-à-dire le moment où il commence à changer d'état, le matériau commence à devenir un peu liquide. On dit que le matériau est amoureux, c'est-à-dire c'est le moment où ça colle, en fait, hein, entre les deux. Normalement, on reste sur des températures relativement assez basses, par rapport à d'autres matériaux. Le plastique réagisse quand même assez vite. On sait qu'autour de 180 degrés quand même, hein. Mais oui, quand même. Quand même. Oui, quand même. Mais ça reste du coup. C'est d'autres procédés, mais dans la mise en œuvre, c'est infiniment moins risqué et toxique. En tous les cas, sur ce qu'on a pu analyser. Et après, voilà, faut pas non plus partir bille en tête qu'on a tout vérifié, ou qu'on a quelque chose de sûr. Mais globalement, oui. Et puis, c'est tout le problème aussi des plastiques, c'est-à-dire que pourquoi ils sont extrêmement intéressants à utiliser ou à détourner, parce que c'est à chaque fois pareil. Dans notre profession, on n'a pas un cadre tout convenu. À chaque fois, que ce soit les générations avant ou moi-même, on va chercher dans notre espace quotidien ou dans ce qui est développé des matériaux développés par ailleurs et on se les approprie. Et ce que l'on voit là, c'est qu'on est dans on a des décennies d'utilisation de matériaux plastiques qui aujourd'hui posent énormément de problèmes parce qu'ils ont été utilisés pour du consommable, les plastiques sont extrêmement stables et chimiquement et s'altèrent très peu et c'est vraiment ce qui pose problème. Et donc cette utilisation un peu plus logique, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour durer à très long terme. Ouais, voilà. Complètement. On vous laisse chantonner et vous trémousser, ne bougez pas. On revient tout de suite sur Campus. C'était Pluto's Lament de The Olympians. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité, Brian Aiello, taxidermiste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Il nous présente les techniques de son métier multifacette, ainsi que le travail de sensibilisation mené par ses spécimens naturalisés sur la fragilité de notre biodiversité. Mais du coup, pour revenir donc sur les différents traitements selon les animaux, donc on disait, la technique, c'est de récupérer la peau, aussi bien chez poissons, mammifères, oiseaux, reptiles. Mais je me posais la question, parce qu'il y a quand même des spécificités. Quand on enlève la peau d'un oiseau au niveau des plumes, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle reste fichée dans la peau? Et pour tout ce qui est amphibien, reptile, la peau est nue. Est-ce que la peau n'est pas fragile, ne va pas avoir tendance à s'abîmer? Est-ce que c'est quand même toujours la même technique chez ces différentes espèces de récupérer la peau ou pas du tout? Alors la perception de fragilité, elle est vraiment en fait toute relative. C'est souvent une impression. C'est souvent une impression. Il y a alors pour l'essentiel des espèces d'oiseaux, la plume est parfaitement rentrée, vraiment très fortement intégrée dans l'épiderme et elle dépasse en fait. Vous avez les grandes plumes qui sont très fortement insérées, qui dépassent beaucoup hein, en dépassant l'épiderme de la peau. Donc il y a une tenue qui est tout à fait qui est excellente de la plume sur le reste de la peau. C'est juste qu'on n'a pas trop l'habitude de voir une peau enlevée avec la plume. Mais ça tient très bien. Ça bouge pas. Très très bien, bouge pas. Et c'est souvent assez résistant. Après, il y a certaines espèces qui ont pour caractéristique d'avoir une peau très fine et fragile. En fait, c'est pas seulement une histoire d'espèce, hein, c'est le cas aussi, mais c'est aussi une histoire de période. Notamment pour les hivernants comme pour les migrateurs, on a des périodes de cumul de corps gras. Et ce moment où les oiseaux cumulent des corps gras est aussi un moment où les peaux sont extrêmement fines. Et ça va toujours de pair. Chez le mammifère, c'est à peu près pareil aussi. C'est-à-dire que quand on va vers l'hiver, on a une peau qui est de moins en moins chargée en collagène et où c'est les corps gras qui vont faire le pont thermique, qui vont éviter en fait l'échange thermique. C'est une histoire de stratégie ou de type d'adaptation. Ouais. Et les peaux deviennent de plus en plus fragiles dès lors que les animaux sont relativement gras et sont parés plutôt pour l'hiver notamment. Et là, que ce soit des oiseaux ou des mammifères, on a des peaux qui sont très affinées, qui sont parfois quand même résistantes malgré tout, mais ça n'a strictement rien à voir. Elles sont beaucoup plus fortement chargées en collagène et sur des pelages d'été. Si on prend par exemple le cas des antilopes africaines, ce sont des peaux qui sont souvent très très épaisses, très très chargées en collagène et qui sont réputée hein, pour être beaucoup plus difficile à traiter, enfin qui demande beaucoup de temps de travail parce qu'il faut les amincir beaucoup, très fortement, beaucoup plus que les espèces en fait européennes hein, ou en allant vers le cercle polaire où on va avoir des adaptations qui sont propres à avoir des peaux beaucoup plus fines et des corps gras plus conséquents. Alors pour les amphibiens et les serpents, les amphibiens c'est quand même, on en fait assez peu parce que c'est pas toujours évident, plutôt des animaux d'assez grande taille ou enfin de taille moins modeste. Et pour les reptiles, les peaux sont, enfin, pareil, extrêmement résistantes. Alors, c'est sûr qu'un lézard des murailles, c'est des petites tailles. Mais que si on travaille sur des chiroptères, notamment des de petites chauves-souris, des espèces de chauves-souris, c'est très, très délicat aussi. Oui, parce que c'est vrai que le patagium, la membrane entre les doigts, on l'imagine très fragile quand on le voit comme ça de l'extérieur. Ouais. Donc, pour le manipuler, j'imagine que c'est compliqué. Voilà. Donc on a, enfin, il y a plein de cas de figure, mais on a quand même au global, finalement, des peaux, surtout après tannage, donc on change de caractéristiques et on a des peaux qui quand même deviennent très résistantes. Mais si on pourrait rappeler le cas du reptile, quand vous voyez la résistance, on utilise pas mal. Donc je pense aux crocodiliens pour des bottes ou pour de. C'est vrai. C'est incroyablement résistant. Et les peaux de poissons, c'est pareil. Vous les retrouvez dans la confection aujourd'hui de pas mal d'objets. Ce sont des peaux qui sont très très résistantes. Vous avez la fameuse peau de requin qui a servi pendant des décennies, enfin pendant des siècles, au ponçage notamment du bois pour les navires. Donc qui sont des peaux extrêmement résistantes. Comme des râpes, quoi. Ah oui, c'est extrêmement râpeux. C'est très très râpeux. C'était le papier vert de l'époque. Vous avez souvent affaire à des peaux qui sont très résistantes. Et pour ces animaux-là, c'est le même principe. Sur un poisson, par exemple, une roussette, un requin, etc., vous récupérez la peau et vous montez sur un mannequin. Exactement. D'accord. Ouais, c'est exactement pareil. Par contre, il y a une exigence qui est beaucoup plus importante parce qu'il faut que le mannequin soit strictement dans les dimensions exactes du spécimen. Il faudra éviter de créer des tensions anormales sur des poissons, sur du célacien comme ça. par rapport à du poisson cartilagineux et, ou du poisson osseux à écailles, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que le requin, si vous avez des nuances de tension au niveau de la peau au moment de la mise en place sur le mannequin, c'est-à-dire que vous avez une partie ventrale par exemple un petit peu forte, vous avez créé une tension, ça va pas trop se voir. C'est-à-dire vous avez quand même un peu de marge. Vous avez 0,5 cm de marge, mettons sur la circonférence ou un peu plus. Si vous le faites sur un, je sais pas, par exemple sur un brochet, sur un black bass, je sais pas, vous prenez un poisson comme ça, quand vous créez une tension, vous décalez les rangées d'écailles. Et vous créez visuellement, clairement... Donc ça fait un décalage. Un décalage. Enfin, un décalage qui va être visible sur la zone, sur la, vous voyez, sur la longueur sur laquelle vous exercez une tension. Et donc là, ça passera pas du tout. Il faut absolument que les tensions soient homogènes. Il peut y avoir une tension à l'extrême limite, mais il faut au moins que celle-ci soit bien répartie. Donc ça devient très exigeant de ce point de vue-là, parce que on n'a pas la couverture de poils ou de plumes pour cacher, bien évidemment. Donc... C'est très exigeant et après, en plus, il y a la mise en teinte puisque ce sont des peaux qui perdent l'essentiel de leur pigmentation. Et donc, il faut retravailler la pigmentation, donc un travail à l'aérographe. Donc ça, oui, il y a tout un travail de peinture aussi. Un travail de finition, de derrière. Mise en teinte, voilà, qui nécessite quand même la compréhension de ce qu'est la réfraction de la lumière sur ce type de support. En sachant que sur un certain nombre de choses, on les voit dans un milieu qui est le milieu marin ou aquatique, qui est encore une autre manière, enfin où la lumière va agir de manière différente et où notre rapport à ce que l'on connaît du spécimen est souvent hors de son milieu. Donc ça fausse aussi notre regard. Enfin, ça devient après assez vite compliqué. Oui. Ouais, c'est vrai que ces animaux, c'est vrai qu'on les appréhende en dehors de leur milieu. Donc pour retranscrire leur couleur dans leur milieu, ça demande tout un travail. Et c'est marrant que vous parliez de l'aérographe, de la peinture, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais dans votre métier, outre la préparation des peaux des mannequins, il y a beaucoup de sculptures, de dessins. C'est vous aussi qui travaillez les socles sur lesquels reposent vos spécimens. Donc au final, vous faites de la menuiserie, de la ferronnerie, de la peinture, de la sculpture. Enfin, c'est un métier très complet. C'est exactement. Enfin, oui, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, ce qui m'intéresse profondément dans ce métier-là, c'est qu'on peut. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'aller au plus loin possible dans chaque étape, sur chaque partie, en termes de connaissances? Il s'en fait beaucoup de spécialités. Il y a des gens qui ne font que du poisson. Plutôt dans le privé, encore une fois, parce qu'il y a une histoire de rentabilité, de productivité. Sûr. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Par exemple, c'est dans les dernières choses sur lesquelles j'ai pu un petit peu pousser le bouchon pour proposer quelque chose dont le propos naturaliste est le plus juste possible. Ça a été de travailler notamment avec des personnes qui font dans le dentaire, dans la prothésie dentaire, de travailler sur de la production type bridge. Alors c'est pas du bridge permanent, c'est en acrylique, c'est du provisoire, mais ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire avec des matériaux qui restent stables. Puisque effectivement, il faut qu'il soit stable pour être mis en bouche. Donc, on a l'assurance au moins d'avoir des résines qui sont relativement stables. C'est les seules résines avec lesquelles on s'autorise à travailler, donc en plus d'utilisation des polyéthylènes. Et là, on a une restitution, vraiment, c'est très, très véritable, bien plus que ce qu'on peut trouver dans le commerce à la vente en termes de fausses mâchoires, parce qu'on est quand même confronté en partie à ça. C'est-à-dire que nous, comme on récupère des mammifères, notamment en provenance de parcs zoologiques comme les grands félins, on utilise l'ensemble du squelette pour les besoins de la préparation du squelette. Et du coup, on se retrouve à devoir faire des prises d'empreintes et à utiliser une copie, en fait, pour la taxidermie. Si toutefois, il a la gueule est entrouverte, ce qui arrive de temps en temps, ce qui est une attitude aussi normale. Et donc, on se retrouve à avoir la reproduction d'un certain nombre de dents, ou en tous les cas de la dentition, et de la langue, parce que c'est des choses qui peuvent être visibles. Et si on veut restituer ça de manière fidèle, c'est vrai que ce qui est proposé dans le commerce, ça reste... D'abord, c'est pas proprement parlé le spécimen en question. Donc, c'est un autre... C'est une autre dimension. C'est pas le même animal, quoi. Ouais, c'est pas le même animal. C'est pas les mêmes caractéristiques. Donc, on dira autre chose. Donc, ça déjà, de ce point de vue-là, ça nous convient pas. Et puis après, ça reste comme du qualité pour une forme de commercialisation de trophées. Donc, c'est pas du tout... c'est pas notre axe. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt, je pense, un peu perfectionniste de ce point de vue-là. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les compétences les plus... et puis, c'est aussi très stimulant. Hein, c'est d'aller chercher les compétences et les gens dont c'est le métier initialement. Parce qu'on aborde une partie de leur métier, ou voilà, une partie parfois bien précise de leur métier. Et là, on va chercher chez des gens qui sont vraiment très compétents dans un domaine à progresser sur des aspects techniques. Et quand on arrive à un peu plus de 20 ans de carrière et qu'on a la possibilité d'agir comme ça, c'est ce que permet aussi le travail dans un établissement comme le mien. C'est extrêmement enrichissant et ça a une incidence évidente sur la qualité de la restitution. Oui, donc l'idée qui transparaît quand même, c'est toujours garder l'individualité de l'animal. Il y a cette idée-là qui revient. C'est vraiment l'idée, c'est de remettre en forme, entre guillemets, l'animal tel qu'il est, mais de respecter ses spécificités. C'est un animal âgé, abîmé, etc. Et ça m'amène à une autre question qui est un animal que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est Canelle, la dernière ours de souche pyrénéenne abattue en 2004, qui est au Muséum de Toulouse et que vous avez naturalisé. Et on l'a dit, Canelle, c'était un peu particulier, outre que c'était le dernier ours de souche pyrénéenne femelle. C'est un animal qui a été abîmé, qui a subi des autopsies, qui a été en partie consommé sur place avant qu'on la trouve. Elle avait été détériorée par les vautours, etc. Du coup, je me demande, vis-à-vis ce genre de pièces, est-ce que votre travail était très différent, par exemple, d'un animal qu'on récupère en parc zoologique? J'imagine aussi bien d'un point de vue technique, le côté un peu restauration, la remettre en belle forme, mais aussi le fait que c'était un animal un petit peu qui sortait de l'ordinaire. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette expérience? Comment je l'ai... Enfin, dans un premier temps, avec inquiétude, parce que c'est la première fois que je me retrouvais avec un spécimen qui déjà était patrimonial avant d'arriver jusqu'à nous de son vivant. Il y a un aspect patrimonial, il y a quelque chose de très particulier de ce point de vue-là. Il y a une dimension, je dirais, qui est très importante par rapport à d'autres cas de figure que l'on rencontrait. C'est un aspect médiatique extrêmement, extrêmement important. Et ça, voilà, ça ne m'inquiétait un petit peu parce que dès lors qu'il y avait des attentes, des attendus, et que la finalité, c'était de pouvoir proposer un spécimen naturalisé, et il était hors de question de pas arriver à ses fins de ce point de vue-là, et c'est bien normal. Dans ces conditions, sur le plan technique, ça pouvait être quand même inquiétant. Surtout que sur le plan médiatique, on a aussi beaucoup communiqué et qu'on s'est aussi beaucoup appuyé sur la valeur patrimoniale et la situation des cas de l'ours des Pyrénées pour aussi avoir une part de la lumière que cette ça aura, que, quoi, de ouais. cette aura que ça pouvait apporter. Donc il y a énormément de choses qui moi m'échappaient totalement, et jusqu'à la position, les choix des postures, tout un tas d'éléments comme ça où ça se discute beaucoup plus haut parce que ça engage bien plus loin. Il est évident que il y avait pas mal de possibilités, enfin il y aurait eu pas mal de possibilités. On avait évoqué à l'époque, par exemple, la possibilité de la présenter morte, abattue, par exemple. Ça c'était, là on disait plus du tout la même chose. Enfin, c'est pas le même message du tout. Le message c'était de dire dernière femelle de souche pyrénéenne abattue, présenter un ours qui a l'air mort, qui vient de tomber et qui vient d'être abattu par balle. Sur le plan patrimonial, sur le plan de l'image que l'on veut véhiculer, de ce que l'on veut dire, c'est quelque chose de très fort, qui, dans l'immédiateté, je pense, est très difficile à assumer. Sur le plan patrimonial, a beaucoup de sens, par exemple. Sur le plan patrimonial, a beaucoup de sens. Parce que finalement, naturaliser un ours pour dire ours brun, très honnêtement, on s'en fout un peu de faire avec Canelle. Enfin, je veux dire, ça n'a pas ça beaucoup de sens. Pas grand chose, donc ouais. ça pouvait avoir du sens, mais c'est aussi très difficile à assumer. On n'est pas obligé de... Mais c'était des choses qui ont été évoquées. Je ne suis pas en train de défendre l'idée absolue que c'était la bonne idée. Je trouve que c'est aussi lui rendre hommage que de la présenter telle qu'elle a pu être photographiée par des pièges photographiques ou telle qu'on peut voir un ours aujourd'hui dans les Pyrénées pour celui qui a, je dirais, la chance ou en tous les cas l'occasion rare de croiser d'autres je pense ne penseraient pas forcément ça mais c'est quand même, ça reste une espèce qui est très peu présente malgré tout, donc je veux dire c'est rare de ce point de vue là il est fort possible que cet animal finalement assez placide, bien que capable aussi de piquer quelques colères, mais c'est plus propre au mâle qu'aux femelles en moyenne. C'est quelque chose qui lui aurait ressemblé et qu'on aurait pu imaginer voir en se promenant ou lors d'une cueillette de champignons, ou je sais pas. Et ça laisse une place plus naturaliste et plus apaisée, qui moi me convient aussi très bien. de ce point de vue-là. Je trouve qu'elle le méritait aussi. Voilà, on peut être partagé, mais après, je pense que ce qui est important, c'est de justifier, de l'expliquer et pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement, donner un autre sens et l'utiliser autrement. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage d'exposer un ours comme Canel pour dire ours brun, en quelque sorte. Oui, il y a d'autres choses qui sont importantes à transmettre vis-à-vis de ce spécimen-là en particulier. Quoi. Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est vrai que c'est aussi un aspect important de votre métier qu'on valorise souvent pas assez, c'est que la taxidermie, aujourd'hui, a aussi ce rôle de sensibilisation du public, parce qu'il y a beaucoup de gens dont les seuls ours qu'ils verront sont soit des animaux captifs en parc zoologique, soit des animaux naturalisés en muséum, et il y a des animaux que l'on ne voit même des espèces exotiques. Je pense à la collection d'oiseaux qui est au muséum de Toulouse. On ne voit pas un quetzal éclatant tous les 4 matins ou même certains vautours qui vivent dans les pics, etc. Et c'est vrai que voilà, je me demande comment vous le percevez aujourd'hui, mais comment vous percevez le regard du grand public, et est-ce que vous avez cette sensation que voilà, quand on explique le processus, la mission que l'on veut donner à ces spécimens, que voilà, il y a l'idée quand même de toucher, de sensibiliser cette biodiversité qui s'effondre? Oui, alors oui, bien sûr que l'objectif, alors ça c'est un objectif immédiat, c'est-à-dire la nature d'un spécimen naturalisé, c'est de donner à voir quelque chose qui donne l'illusion du vivant, donc... On capte tout de suite l'attention, et notamment des plus jeunes, en montrant, on le voit tous les jours de toute manière, dans les interventions hors les murs, notamment de la médiation. Donc c'est vraiment un travail qui est de fond, qui a continué à s'opérer auprès des scolaires, notamment. L'utilisation de spécimens naturalisés, c'est quelque chose qui interpelle tout de suite, qui les fait réagir tout de suite, qui, au-delà, je veux dire, du fait de la matérialité de l'objet, comment on le fait, comment on le produit, comme il donne à voir quelque chose qui donne le sentiment que c'est l'animal en question, même si c'est pas le cas. Voilà, ça prend tout de suite aux tripes, ça interroge, ça questionne, et ça, c'est le moteur pour la médiation. On a besoin de ça. On fait réagir, c'est pas neutre, voilà. Mmh. Ça fait réagir à peu près n'importe quel enfant, et même souvent quel adulte. Et à partir de là, on doit compléter, on doit expliquer, on doit répondre aux questions, et on doit tenir un discours, effectivement, qui va dans le sens de ce qui est quand même une obligation, hein, de conserver la biodiversité. C'est une obligation pour laquelle, encore une fois, notre pays a pas mal de points, est un petit peu parfois en retard, et a payé nombre d'amendes européennes pour ne pas parfois avoir assuré un certain nombre de ses obligations. Donc oui, effectivement, on ne doit pas se poser la question de savoir si c'est pertinent ou pas. Et puis alors par contre, après, l'autre élément, et celui-ci, moi, me chagrine un peu, on sait qu'on continue à aller vers une perte de la biodiversité qui est enclenchée. Et il est vrai que ce soit de la taxidermie ou autre chose d'ailleurs, en termes de préparation, il est vrai qu'on se rend bien compte que dans une ou deux générations, quantité de spécimens qui ne seront plus visibles dans le milieu naturel seront visibles certainement dans les muséums. Et ça, oui, ça me chagrine beaucoup, parce que ça veut dire que c'est peut-être les derniers endroits où on pourra... Alors, on le pensait d'un certain nombre d'espèces, je pense aux grands pingouins, je pense à un certain nombre de... Il y a le colombidé, le pigeon migrateur américain. On a un certain nombre d'espèces qui ont disparu plus ou moins récemment, et pour lesquelles il y a parfois des spécimens. On pense au dodo, là, on n'a pas forcément de... C'est trop ancien, mais on a comme ça un certain nombre de cas, mais qui en nombre sont quand même pas aussi élevés que ça, enfin c'est pas aussi important que ça. Là ça risque de devenir vraiment vraiment très très important, ça risque de devenir assez colossal, notamment sur tous ceux qui sont en haut de la chaîne trophique. Tous ceux-là sont en très très très très très mauvais état de conservation pour les espèces en tous les cas, et puis il y aura les parcs zoologiques, c'est-à-dire c'est peut-être aussi les seuls endroits où on pourra les voir. Et donc, on assiste, c'est malheureux, mais on assiste à une grosse séquence où vous avez le Muséum National ou d'autres grandes institutions qui vous disent clairement qu'elles sont en train de se dépêcher à faire l'inventaire du vivant avant qu'il ne disparaisse sur certains secteurs de la planète. Donc, je veux pas être alarmiste, ce n'est pas être alarmiste que d'expliquer une situation qui est alarmante, quoi. Elle est véritablement alarmante. Et moi, pour moi, ça a beaucoup plus de sens, de pouvoir travailler en ce sens et de donner à ces spécimens naturalisés ce propos-là à tenir, parce que c'est quand même, je pense, dans les décennies à venir, ce qui va quand même devoir nous préoccuper au plus haut point. Et c'est à ça que... Moi, je pense que c'est à ça que je m'affaire aujourd'hui, c'est-à-dire à commencer à enclencher sur ce processus de... d'apporter un témoignage contemporain du vivant pour des besoins d'intérêt scientifique et pédagogique et pour sensibiliser. Et après, c'est au reste du personnel aussi de l'établissement et à notre public de s'en emparer, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Brian, de nous avoir donné un aperçu détaillé de votre métier, aussi diversifié que rare, et de ses missions d'utilité publique. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous proposer un livre et un film documentaire. L'ouvrage que je souhaite vous recommander est la bande dessinée intitulée « Maria Sibylla Merian, la mère de l'écologie », scénarisée et illustrée par Yannick Lelardoux et parue aux éditions Naïve dans la collection « Grand destin de femme ». Cet album au petit format carré de 76 pages présente en détail le parcours de l'héroïne de cette chronique. C'est à ma connaissance le seul ouvrage en français dédié à la biographie de Maria Sibylla Merian. Les dessins colorés de Yannick Lelardoux guide de manière agréable le lecteur à travers le fil de sa vie. Une très chouette façon de découvrir son épopée d'exception. Ensuite, je vous invite à voir le film « On l'appelait Canel » de Jacques Mitch, dont on a déjà parlé ici, puisqu'il a également réalisé le film documentaire « Le Blob, un génie sans cerveau ». Ce documentaire de 51 minutes, sorti en 2013, est produit par France Télévisions et K-Productions, est disponible gratuitement sur les chaînes YouTube et Vimeo du réalisateur. Le documentaire s'ouvre avec des images d'archives choc, annonçant la mort de l'ours pyrénéen, puis nous transporte 8 ans plus tard pour assister au bouillonnement de l'équipe du Muséum de Toulouse pour la création de l'exposition « Ours » en 2013. On y suit les préparations de deux pièces maîtresses, la naturalisation de Canel et le montage du squelette de papillon, autre mâle pyrénéen emblématique. Outre l'intervention de pisteurs, agents de parcs régionaux, d'ONCFS et leur rapport émotionnel à l'animal vivant, le film nous plonge aussi dans tout le travail de valorisation de l'animal mort, devenu pièce de musée et outil de sensibilisation. Taxidermistes, préparateurs en ostéologie, coiffeurs, sculptrices, apprentis, tous nous font partager leur quotidien, leur passion et nous immergent dans les coulisses secrètes de cette institution. Un film fort, instructif, où la transmission joue un rôle central. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenitpi.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.